c'est opaque, les AK, ça cache gros, mon frère. De la Belgique à la France, t'impressionne son père. Pour ceux qui manient Mike avec gouache et style, ceux qui tapent les bidons leur fait mouiller leur puzzle. Je te mets au fin par les bidons ne m'impressionnent guère. Ils font péter un câble et méritent plus d'une seule claire. Je te braque mes rimes sur le coin de ton crâne. Le titre c'est au point qu'on gagne, technique de pointe haut de gamme. C'est l'apocalypse, les rimes, le vocal glisse. Viens pas faire la guerre mec, si t'as pas de gros calibre. Chez moi le seum ne se vend pas, quand Red Bull la rage sans arrêt parle. Les textes ne s'enrayent pas, je fausse la raconte. Alors les mecs putain les. Et moi je fous ma petite merde comme Jack Bauer dans les rues d'LA. C'est Icon, je t'en laisse un aperçu. C'est dans le mythe, les barres percutent jamais de balles perdues. Appelle-moi nouveau prophète des BPM. Ça cache gros, mes apôtres et colombes se répètent les M. T'impressionnes personne, sûr qu'on va te faire mal. T'es KO à la 16ème patate de mon waterman. J'ai pas la lutte d'un judoka, souvent on croit que je suis plutôt calme. Mais bon, sans avocat, tu bouffes ton tuba et tes pâmes, c'est bon. Sombré dans la cam, damné sur le macadam. Banni petit comme un panzai, bouffé à la panzani. Faut que je te dépanne, l'ami, en manque de structure. J'articule à peine et dans ton slip, c'est quoi structure? Tu fais des feintes, prends ça dans ta frontman. Tu joues les beaux gosses et les meufs t'appellent Elephant Man. Ouais ça fait mal ici la Belgique et la France gueule. Tu fais le malin mais t'as giclé à la France gale. Mec t'es un zéro, j'ai battu Thor et Thorgal. Rêve d'être un héros mais quand tu rappes t'as pas d'organes. Range ton orgueil quand je crie c'est l'orgasme. Mis en rapport d'œil, shooté sans le port d'armes. Dans ta gabardine on m'a dit t'as gros gabarit. Connerie qu'on en rit, t'as le bruit d'un canard. Tu m'impressionnes pas. Vu que dans le rap la plupart m'y tonnent. Rien qu'ils font du vent, ils auraient dû opter pour le badminton. Bled for bad boys, style et guéri. Slash ou gros brin clito entre les cuisses. Tu m'impressionnes pas. J'entends partout des types qui bluffent. Seulement si tu grattes un peu, tu vois qu'une bite entre les subs. Le coin trône dans l'arène, là sans suivre. Casser pris de glace, t'es de ceux que le beat froisse. Man, là t'es pris de chasse. J'ai la foule dans le regard, le tonnerre dans la voix. Estoile en ma crainte, décidément pas de bol pour toi. Tu n'impressionnes pas. Mon style de perfor, fracture ouverte du tympan. Mon peur restera hardcore. Ton style est pourri. Garde le ton, pas besoin de pomper. Une passion pour ce move, au pack suffit d'associer. Ça fait mal man, pas de voix, ils sont fatales. Une shit à nos cœurs de smorce, une grosse claque au final. Je vois loin, pour moi les miens, je t'apprends rien. Les liens serrés au point que le mercure s'y briserait les mains. Titane, peur de personne, sauf Dieu que mon heure sonne. Telle est l'humeur se libérant des abysses de ma personne. J'ai entendu dire que tu me dis sans ma strapie. Merci l'ami, encore une pub pour moi gratuite. T'as joué au poète, tu vas finir comme Rimbaud. Alcoolique, drogué au dernier degré, pédé comme Rambo. Tu m'impressionnes pas, arrête le rap si t'en es pas capable. T'as pas ta place ici mon gars, autant que je prenne des bacs à sable. Tu parles de ci et de ça, t'es visé que cette colère. Viens pas tester le tonnerre si t'as rien d'exceptionnel. En ce qui me concerne, quand je rappe, je fais pas de manière. Je me fais des palmarès, j'arrive en balle, impossible qu'une pédale m'arrête. J'aime les sons lourds qui font qu'au cœur palpite. Mais on l'a pas pris, lorsque je m'applique, tu te lèches les babines. Ça vient de Paname, en passant par la Belgique. Belle et cochoc, l'ami, tu pourrais finir paraplégique. C'est ça la vibe quand y'a un bon feeling. On approfondit, les sources consument comme un gros filis. Au bout du compte, on s'associe pour faire équipe. Et on se relèvera toujours si nos actions se périclitent. Toi, tu fais partie de ces gens dont personne parle. Voilà pourquoi en gros tu m'impressionnes pas. Tu m'impressionnes pas. Vu que dans le rap la plupart m'y tonnent. Rien qu'ils font du vent, ils auraient dû opter pour le badminton. Bled for bad boys, style et guéri. Slash ou gros brin clito entre les cuisses. Tu m'impressionnes pas. J'entends partout des types qui bluffent. Seulement si tu grattes un peu, tu vois qu'une bite entre les subs. Le coin trône dans l'arène, là sans suivre. Casser pris de glace, t'es de ceux que le beat froisse. Man, là t'es pris. Tu m'impressionnes pas. Vu que dans le rap la plupart m'y tonnent. Rien qu'ils font du vent, ils auraient dû opter pour le badminton. Bled for bad boys, style et guéri. Slash ou gros brin clito entre les cuisses. Tu m'impressionnes pas. J'entends partout des types qui bluffent. Seulement si tu grattes un peu, tu vois qu'une bite entre les subs. Le coin trône dans l'arène, là sans suivre. Casser pris de glace, t'es de ceux que le beat froisse. Man, là t'es pris. Tu m'impressionnes pas. Tu m'impressionnes pas. Tu m'impressionnes pas.